Des ambiances galactiques, des écrous, des trafics, le taf se perd et se perd, les ah putain, vas-y, vas-y. Ok, ok. Marfels sont dans le casque, là, volume luxe, Marfels. Ok, normal. Marie Clash, Knitch. Monsieur Bill, petit Scara. Ok, ok. Normal. Ok, je rentre, Al, c'est bon, laisse. Ok, un. Moi j'ai pas d'ange gardien, pas de couteau, pas d'âme sœur. Des fois les patates pleuvent, j'anticipe les catastrophes. Ok, je gratte des punchlines et je gère mes avantages. Monsieur Bill, boum, j'étais dans ma bulle bien avant-hier. Ça roule des grammes de verre et chope le mal de tête. Des problèmes de fou, me passe à râleuse cake. Faut que je brasse l'oseille, la vie écrase nos frères. Moi je fais pas de promesses, j'suis dans ma stratosphère. Le ciel éclate nos têtes, le maï marque nos textes. L'amour suce des bites, les buts d'un squat l'hôtel. Moi je rêve de braquer de flouze, man, de cacher dessous. Les meufs nous brise le cœur, donc on leur casse le boule. Moi, je te clash dans le pass et je baise à procis, approximativement. Je fais que du profit, une allure de glandeur, une écriture de prodige. J'y t'as tous ces bouffons qui vont filer ton Grégory. Ok, ok. Eh, tout ça dedans. T'as envie de faire là. J'arrive pas à lire mon texte là, c'est un vrai brouillon, putain. Attends, eh. Ok, ouais, c'est bon, eh, vas-y, eh. Ok, moi je m'en tape des ressources humaines. Mon avenir tombe en ruine comme les tours jumelles. Ça refourgue du rêve, tout ça court d'oseille. J'suis un faux muet qui fait la sourde oreille. C'est pour ceux qui soignent au Sky Doliprane. Ceux que c'est politique car taxe de racaille polygame. Ceux que la folie garde, ceux que tu calmes comme les tard. Ouais, pas ceux qui craignent que leur bolide crame. On plombe le mic, on tombe le masque. Y'a de la scombe de dame, quelques secondes de calme. Ce monde marche dans des bombes de marque. Nos tailles jonchent le sable au lieu de prendre le large. On glande le soir en l'absence de maille. Pris dans l'engrenage, près des cancres là. L'espoir rentre naïf, on rentre tard. Des arrois, tu ne craches pas de l'encre light. Ok. Marécage, street. J'encule le monde, c'est ça. Zach, on dit quoi là? Hein? Fais déjà comment mon texte? Ça traîne dans les holtards. Ok. L'esprit vagabond, ça traîne dans les holtards. Pas, j'te rentre dedans comme un costaud des All Blacks. J'roll cash normal, donc j'rentabilise. Trempe pas, petite bille, sinon j't'envoie le missile. J'ai un spliff dans le sac, un hat-trick dans le sac. J'rêve d'un trafic sans chenard. Mais pour ma vie en bas, j'avance à l'aveuglette. J'vends de la peut bienne. Joue pas les vedettes ou par la monskeg. Moi, j'encule le monde et j'enfume le hold. Et j'endure mes pôles et j'enrume les faux. Chez nous, le Nesby tourne, on a l'esprit de groupe. J'ai les textes qui te couchent, j'suis trop technique, cousin. Pas du feu par là. Hein. Ok, hein. Marécage, street, j'enchaîne les passes à bug sur le terrain, moi j'ai la maudite. Dans ma jungle y'a pas de mougli, on corre les arbitres. Un boule de set dans ma ménagerie, vautour squat la banquise. Moi j'suis sur Atlantide, il n'est pas banquise de navire. Marécage, street, on fait péter un bouc Thomas. Toujours l'un des magiques, bien plus que t'imagines. L'ambiance est galactique, des écrous, des trafics. Le taf se cherche, le sperme se tèche. Sur les femmes faciles, un glacé dans le regard. L'Atlantique dans mes rêves, moi j'ai un brasé dans les gènes. Le mal de vivre sur mon plexus, la jungle dans mon lexique. Serre un coup de ma bite, la maille mexique, tu peux réceptif. Mon entourage intrigue, je connais le goût de la tricherie. Je compte à la troupe, les cochons font des gâteries. J'ai pas la poudre, moi je tape dans la bonne weed. Pas tant pour la police, moi j'applique ma propre politique. J'y mets dispositif, mes parents payent le prix de leur sacrifice. Putain, bon. Y'avait la skull, du shit, l'alcool. Marécage, street, street, street. Pop, pop, pop. Mon pote Bill, il va s'y faire l'entendre. Ok. Marécage, street, street, pop, pop, pop. Là, y'a une partie de poker qui s'impose. Allez. Putain, les gars, à 2-0-5. T'as cru que j'étais petit ou quoi? Non. Les potes sont là. Y'a les Carlitos, Tupacinos, Abelinos, les potos. Les négros du 0-5, mon pote. T'inquiète, mon pote est keen. Le pote Nastim, les Twin Towers, ils sont là, les gars. Sans oublier le poteau Doulet derrière les barreaux, man. T'inquiète, on t'oublie pas, man. Bordel, Doulette, ouais.